إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui c'est le cours 69 dans les durous de l'explication de Kitab al-Tawhid avec le sharh de Sheikh Al-Fawzan rahimahullah wa hafizahullah. Et donc on commence maintenant, donc là où on avait laissé la semaine passée, le Sheikh il dit, en parlant maintenant de la question qu'on avait terminée la dernière fois au dernier cours, en ce qui concerne la position correcte en ce qui concerne la visite des femmes pour les tombes. الشيخ يقول فبناء على ذلك فالقول الصحيح الراجح هو منع النساء من زيارة القبور وإن كان بعض الباحثين في هذا العصر أظهر هذه المسألة وكتب فيها وأباح للنساء زيارة القبور فهذا قول مرجوح ولم يأتي بجديد وإنما أثار هذه المسألة فقط ولا يجوز لطالب العلم أنه يتتبع المسائل الغريبة ويذهب ويثيرها من جديد ويبعثها على الناس من جديد لما يترتب على ذلك من المفاسد. Donc le cheikh il dit donc en se basant sur les preuves qu'on a mentionnées et sur le hadith qu'on a mentionné, لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. C'est-à-dire que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a maudit les femmes qui visitent les tombes, en se basant sur ça donc, et les autres explications qu'on a données, c'est clair que la visite des tombes pour les femmes est quelque chose d'interdit, même si certains soi-disant chercheurs aujourd'hui, certains chercheurs à l'époque actuelle ont essayé de faire une recherche pour essayer de montrer en écrivant des livres sur cette question-là pour montrer qu'il est permis pour la femme de visiter les tombes, c'est une position qui est contredite par ce qui a été établi clairement dans les preuves du Coran et de la Sunna. Yani, comme le Cheikh explique, qu'il y a certains, par exemple, qui ont l'habitude, parfois, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'ils ramènent des sujets et des discussions sur des questions qui ont été documentées et classifiées et expliquées par les savants de l'islam depuis des siècles, et eux, ils ramènent ces sujets-là et ces questions-là de nouveau, comme si pour ramener le débat ou la discussion sur ces choses-là, et le cheikh, il dit que ça, c'est pas correct. Que des toulab al-ilm ramènent des questions comme ça sur des sujets qui ont été déjà classés et expliqués et clarifiés, puis de les ramener à nouveau comme si c'était quelque chose de nouveau, et d'essayer de trouver des nouvelles positions sur ces questions-là. Donc le cheikh il dit que ça c'est quelque chose qui ramène beaucoup de mal pour les gens par la suite. Donc il dit وقوله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج أما لعنه المتخذين عليها المساجد فهذا سبق في قوله صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أما لعنة المتخذين عليها السرج فالمراد بذلك إضاءة المقبرة بالأنوار، لأن هذا وسيلة إلى الغلو في القبور ويفضي إلى الشرك، فإن هذا يجلب إليها أنظار الناس والجهال ثم يزورونها ويترددون عليها ثم يؤول هذا إلى الشرك، فلا يجوز أن تضاء المقابر بل تجعل المقابر خالية من الأضواء ومن الإضاءة، وإذا احتاج الناس إلى دفن ميت في الليل فإنهم يأخذون معهم سراجا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة عند الدفن بالليل. وفي هذه النصوص فوائد عظيمة. الفائدة الأولى، donc on va expliquer maintenant cette partie-là avant de rentrer dans les fawaid. Le cheikh il dit donc que le hadith qui parle du fait de visiter les tombes et que les femmes qui visitent ces tombes elles sont maudites, ça on l'a expliqué dans le hadith qu'on a expliqué déjà auparavant, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit les juifs et les chrétiens parce qu'ils ont pris le tombe de leur prophète comme des lieux de prière. Et puis maintenant c'est la même chose, mais c'est la même chose qui a été mentionnée comme malédiction, sauf que ça a été mentionné pour les femmes en particulier. Et en ce qui concerne l'autre partie du hadith qui mentionne le fait que celles qui posent des lampions ou des lumières sur les tombes, ou des lampions ou des chandelles sont maudites, eh bien ça, le cheikh il dit que ça veut dire en général, ou le sens général de ça, c'est le fait d'éclairer les cimetières avec des lumières. Peu importe que ce soit des lumières électriques ou des chandelles ou des lampions ou n'importe quelle autre forme d'éclairage. Parce que il dit que ça amène les gens à l'extrémisme dans au sujet des tombes et ça peut les amener à faire du shirk par la suite. Parce que ça attire le regard des gens et des ignorants, et par la suite ils commencent à visiter ces tombes-là et ces cimetières et ils continuent à faire ça régulièrement. Puis ça, c'est les amène au shirk. Donc, c'est pas permis d'éclairer les tombes. Et c'est pas permis, donc, il dit que les tombeaux et les cimetières doivent être, sans éclairage. Et si les gens ont besoin d'aller enterrer quelqu'un durant la nuit, alors, ils amènent avec eux des lampes pour aller faire, l'enterrement. Et, c'est ça ce que les sahaba faisaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand ils avaient besoin d'enterrer quelqu'un durant la nuit, eh ben ils creusaient le trou, ils amenaient avec eux une lampe, et puis quand c'est fini, ils ramenaient la lampe avec eux. Donc ça c'est en ce qui concerne cette question-là. Maintenant, le cheikh il dit ففي هذه النصوص فوائد عظيمة. الفائدة الأولى أن الغلو في قبور الأنبياء يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ومن الغلو فيها اتخاذها مساجد، كما قال صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني مصليات، ويصلون عندها رجاء الإجابة. الشيخ الزيكم premier point ou premier bénéfice qu'on peut tirer de ce hadith, c'est que l'extrémisme ou l'exagération envers les tombes des prophètes, ça les fait devenir des idoles que les gens adorent en dehors d'Allah. Et la preuve de ça, c'est dans la citation dans le hadith, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Oh Allah, ne fais pas que ma tombe devienne une idole que les gens adorent. » Donc ça c'est un dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala que sa tombe ne devienne pas une idole que les gens adorent. Ça prouve que l'exagération au sujet des tombes des prophètes, ça peut les faire devenir des idoles. Après il dit, et parmi les formes de rouleau, parmi les formes d'exagération et d'extrémisme à ce sujet-là, il y a le fait de prendre les prendre pour des lieux de prière et des mosquées, ou des lieux de prière en général. Comme le hadith le dit, auparavant, le premier hadith qui disait, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la colère d'Allah est devenue dure ou très très très forte contre des gens qui la colère d'Allah s'est renforcée contre des gens qui ont pris les tombes de leurs prophètes comme des lieux de prière, comme des lieux de prière où ils vont faire leur salat ou des doigts dans le but de recevoir, d'être exaucés et d'avoir la réponse à leurs invocations. Le cheikh dit الفائدة الثانية أن الله سبحانه صان قبر رسوله صلى الله عليه وسلم وأجاب دعاءه فحفظ من الغلو فيه وأحيط بالجدران التي تمنع الوصول إليه بل تمنع رؤيته والوصول إليه كل ذلك من أجل منع الغلو في قبره صلى الله عليه وسلم. Le cheikh il dit comme deuxième point bénéfique dans ce chapitre et dans les hadiths qu'on a mentionnés, il y a que Allah subhanahu wa ta'ala a préservé la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'a gardée, il l'a préservée contre le shirk et contre le fait qu'elle devienne une idole. Et c'est donc que Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé le dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'a préservé contre l'exagération et contre l'extrémisme, et c'est pour ça, donc le cheikh dit, elle a été entourée de murs qui empêchent les gens d'atteindre, d'arriver à sa tombe, et qui empêchent les gens même de la voir. Donc tout ça c'est dans le but d'éviter ou d'empêcher l'extrémisme au sujet de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'autre bienfait à ce sujet-là aussi, c'est comme le cheikh le dit الفائدة الثالثة فيه أن العكوف على قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله كما حصل لقبر اللات فإنه صار وثنا بسبب العكوف عنده بعد موته كما أن الشرك حصل في قوم نوح بسبب الغلو في الصالحين فسياسة إبليس لعنه الله واحدة مع الأولين والآخرين يأتي الناس من باب الغلو في الصالحين. Donc le cheikh il dit que comme troisième point, le fait de rester debout devant les tombes et de rester ou de s'asseoir près des tombes et de rester là pour adorer auprès des tombes des hommes pieux, ça a fait devenir ces tombes-là des lieux d'adoration, et donc ça fait devenir ces tombes-là des idoles qu'on adore en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme c'est arrivé pour la tombe de l'idole des Arabes à l'époque avant l'islam, à l'époque avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aussi au début de l'islam, les gens adoraient, c'est-à-dire les mouchriquins, les idolâtres, adoraient cette idole-là parmi les idoles qui étaient en Arabie. C'était Allah, c'était un homme pieux, puis sa tombe est devenue une idole parce que les gens ont commencé à aller se tenir là-bas après la mort de Allah. Donc ça c'est un exemple. كما أن الشرك حصل في قوم نوح بسبب الغلو في الصالحين. Comme le shirk est apparu également dans le peuple de Noé. C'était la première fois que le shirk est apparu dans l'humanité, l'idolâtrie est apparue à cause de ça, à cause de l'exagération au sujet des hommes pieux. Et ça c'est donc la politique du diable, yani de Iblis, c'est toujours la même méthode qu'il utilise pour faire tomber les gens dans l'égarement et dans le shirk. Avec les premiers hommes, il a utilisé cette ruse-là, et ainsi qu'avec les derniers. Donc, il suit toujours la même méthode et la même façon pour égarer les gens. الفائدة الرابعة فيه الرد على من زعم أن البناء على قبور الصالحين مما حبة الصالحين ويقولون أنتم لا تبنون على قبور الصالحين لأنكم تبغضونهم أو تبغضون الصالحين. ففي هذا الحديث وهذه الآية رد عليهم وأن البناء على القبور أو على قبورهم والغلو فيها ليس من محبتهم وإنما هو من اتخاذهم أوثانا تعبد من دون الله. Le chef nous dit comme quatrième point bénéfique à ce sujet-là, il y a la réponse à celui qui croit que de construire ou de fabriquer des lieux d'adoration, des prières ou des lieux de prière, des mosquées, ou des constructions, des mausolées ou des tombes sur la tombe des hommes pieux, que ça représente une forme d'amour, une représentation de l'amour pour ces hommes pieux-là. Et ils disent, en parlant des salafiyines, des gens qui appellent au tawhid, vous n'aimez pas les tombes des salihines, ou bien vous n'aimez pas les salihines, les hommes pieux, parce que vous ne faites pas de construction sur leurs tombes. Donc pour eux, si on aime les hommes pieux, on construit des mausolées ou des dômes sur leurs tombes, mais si on ne fait pas ça, ça veut dire pour eux qu'on ne les aime pas. Hein, c'est ça leur compréhension. Et on voit dans ce hadith qu'on a mentionné dans ce chapitre, ainsi que dans le verset, hein, il y a une réfutation de ce qu'ils prétendent. Hein, et que ça montre en réalité que celui qui construit des mausolées ou des monuments sur les tombes, eh bien c'est en réalité la preuve qu'il n'aime pas les salihim, parce qu'il fait le contraire de ce que les hommes pieux ont ordonné, hein, c'est-à-dire que tous les prophètes ont interdit de faire des choses pareilles. Donc s'ils le font, ça veut dire qu'ils ont contredit à l'ordre du messager, sallallahu alayhi wa sallam, et donc ça prouve qu'en réalité ils ne l'aiment pas vraiment, même s'ils prétendent avoir de l'amour pour lui en faisant ça. Hein. En fait, qu'est-ce qu'ils font, c'est de les prendre comme des idoles en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a une chose aussi, si on réfléchit à ça, hein, quand on y pense vraiment, regardez par exemple la da'wah et la réforme que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a fait à son époque, quand il est venu, il a appelé les gens au tawhid, il a appelé les gens à revenir au Coran et à la Sunna, et il a combattu toutes les manifestations de shirk et de bid'a qui étaient présentes dans la Ummah. Hein. Donc, yani, si on voit maintenant, par la suite, après la mort du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il n'y a pas eu, comme on le retrouve chez les gens qui ont suivi d'autres shuyukh ou d'autres bid'a ou des sectes égarées parmi les sectes des musulmans ou bien les groupes des soufis, hein, on ne voit pas que les gens qui ont suivi les enseignements du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et sa da'wa, qu'ils ont par exemple établi, autour de la tombe du cheikh Mohammed Abdul Wahhab, un dôme ou une construction ou une mausolée. Hein. On ne retrouve pas ça, justement parce que la da'wa du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, elle n'est pas établie autour de la personnalité du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, mais elle est plutôt établie autour des fondements et des principes et des bases de l'islam, c'est-à-dire le Coran et la Sunna, hein, et la compréhension des salaf salih. Donc, on ne retrouve pas comme on retrouve ça chez les soufis ou chez les shi'a ou chez d'autres personnes parmi les jeunes bid'ah. Lorsque leur cheikh meurt ou leur imam meurt ou un de leurs personnages pieux qu'ils ont respecté et aimé durant leur vie, lorsqu'ils meurent, ils font sur sa tombe une grosse construction, soit une mausolée entourée de grillages avec de l'or et des décorations, et ils considèrent que ça c'est une forme de respect et d'honneur et de manifestation d'amour pour ces hommes pieux-là. Tandis que, comme j'écoutais un cheikh dernièrement qui parlait de ça justement, et de la da'wa du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas où est-ce qu'elle est sa tombe. Hein. Et il n'y a personne parmi les gens qui ont suivi ses enseignements, hein, et qui ont suivi le Coran et la Sunna à ce sujet-là, qui ont su où est sa tombe. Même les rois, comme on a expliqué souvent, les rois de l'Arabie Saoudite, lorsqu'ils meurent, on les enterre comme tout le monde, il n'y a aucune différence entre la tombe d'un roi ou la tombe d'un musulman, n'importe quel parmi les musulmans. On ne fait aucune distinction entre eux dans la façon de les enterrer. Donc ça c'est un exemple. Et c'est la même chose pour le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et les autres imams de l'islam. Même pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour les sahaba, les tabi'in et ceux qui les ont suivis, on n'a pas trouvé qu'ils ont construit quoi que ce soit sur les tombes des hommes pieux. Même si par la suite, comme par exemple, des fois il y a des hommes qui sont allés les construire sur certaines des tombes des hommes pieux, par la suite des dômes ou des trucs de ce genre, mais ça c'était fait bien longtemps après la mort de ces imams et de ces savants ou des sahaba, ça n'a pas été construit à l'époque des sahaba ou des tabi'in ou à l'époque des grands imams de l'islam au début. Ça c'est des choses que les gens ont fait par la suite, bien longtemps après. Donc ça c'est des choses très importantes à comprendre, parce qu'il y a beaucoup de gens de bid'ah aujourd'hui qui font ça maintenant. Donc quand par exemple ils ont un cheikh qu'ils ont suivi durant sa vie, ils l'ont beaucoup aimé, ils l'ont respecté et tout, et quand ils meurent, pour montrer aux gens l'honneur qu'ils ont pour ce cheikh et le respect qu'ils ont pour lui et l'importance et la grandeur de ce cheikh, alors ils disent bon, s'il était important durant sa vie, et bien pour montrer son importance après sa mort, il faut que sa tombe soit plus grande et plus grosse et plus la construction dessus soit plus belle, hein, et donc ils dépensent de l'argent, parfois ils vont mettre de l'or, parfois ils vont mettre du marbre, parfois ils vont mettre d'autres constructions, et même si vous voyez parfois dans certains pays, pour la tombe d'un dirigeant ou d'un roi, ils vont mettre une grosse mausolée avec des bons matériaux et des belles choses. Donc tout ça c'est des choses qui ont été interdites par l'islam et par le Coran et par la Sunna. Et quand on regarde la da'wa, comme je disais, du cheikh Mohammed Abdul Wahhab, on ne retrouve pas ces formes d'exagération là au sujet de sa personne, parce que la da'wa n'est pas établie autour de la personnalité de l'imam ou du cheikh, mais elle est établie autour des fondements du Coran et de la Sunna et de la voie des salaf salih. Donc ça c'est la différence entre la da'wa des gens de bid'ah et la da'wa des gens de la Sunna et qui appellent au tawhid. Après le cheikh il dit al-fa'idatul khamisa, le cinquième point bénéfique à ce sujet-là, au sujet de ce chapitre, c'est fil hadith. Il dit في الحديث دليل على تحريم زيارة النساء للقبور وهو مخصص لقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فالرسول صلى الله عليه وسلم في أول الأمر منع من زيارة القبور مطلقا للرجال والنساء لأنهم كانوا حديث عهد بالشرك وبالجاهلية فمنعهم من زيارة القبور خشية من أن يترسب فيهم شيء من أمور الجاهلية عند القبور، فلما استقر التوحيد في قلوبهم وعرفوا التوحيد أذن الرسول أو أذن للرسول صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور خاصة ومنع النساء. أذن للرجال في زيارة القبور خاصة ومنع النساء لأن المحظور باق في حقهم أو في حقهن. الشيخ يدي le cinquième bienfait dans le hadith, c'est la preuve de l'interdiction de visiter les tombes. Et le cheikh il dit que l'interdiction de la visite des tombes pour les femmes, ça c'est l'interdiction de la. Il dit dans ce hadith la preuve de l'interdiction pour les femmes de visiter les tombes, et ça vient spécifier ou limiter le hadith en général qui a été mentionné au sujet de la permission de visiter les tombes, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, je vous avais interdit de visiter les tombes, alors aujourd'hui vous pouvez les visiter parce qu'elles vous rappellent la mort ou bien elles vous rappellent l'au-delà. Et donc dans ce hadith, on voit que au début, en général, c'est interdit pour les hommes et pour les femmes de visiter les tombes et les cimetières. Pourquoi? Parce que les musulmans étaient nouveaux, ils venaient de quitter le shirk et la jahiliya. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur avait interdit de visiter les tombes pour éviter justement que se manifestent en eux certaines des pratiques de la jahiliya auprès des tombes. Mais lorsque le tawhid est devenu établi en eux et fermement ancré dans leur cœur, et qu'ils ont connu le tawhid, il y a eu la permission pour les hommes de visiter les tombes en particulier. Toutefois, l'interdiction est demeurée pour les femmes, parce que le danger qui a rapport avec le danger qu'on craignait au sujet des formes de jahiliya et de ces manifestations reste encore valable chez les femmes, parce que les femmes bien entendu sont plus sensibles et plus émotives, donc c'est pour cette raison-là que l'interdiction demeure. Et donc alhamdoulilah, il faut donc prendre en considération ces explications-là et ces règles-là en ce qui concerne l'interdiction au sujet de qu'est-ce qui a rapport avec les femmes. On a parlé de ce sujet-là la semaine passée, donc alhamdoulilah. Le cheikh il dit al-fa'idatu sadisa, le sixième bienfait à ce sujet-là, ou sixième point qui est important à ce sujet-là. Comme le cheikh il l'explique, il dit في الحديث دليل على تحريم إضاءة المقابر بالأنوار بأي وسيلة سواء كان بالسرج أو كان بالكهرباء أو غير ذلك كل أنواع الإضاءة على حسب الأزمنة ممنوعة والواجب أن تكون القبور خالية من الإضاءة لأن الإضاءة وسيلة إلى اتخاذها أوثانا والرسول صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك لأنه وسيلة إلى الشرك. Le cheikh il dit que, comme sixième point, dans le hadith, il y a l'interdiction d'éclairer les cimetières avec des lumières ou par tout autre moyen, que ce soit par des lampes ou par de l'électricité, des lumières électriques, ou bien par tout autre moyen d'éclairage. Tout ça c'est interdit. Et l'obligation, c'est de garder les cimetières et les tombes sans aucun éclairage. Parce que le fait d'éclairer les tombes, c'est une chose qui peut amener les gens à tomber dans l'exagération et le shirk au sujet des tombes. Et donc, de ce fait-là, donc ça devient haram d'éclairer les cimetières et les tombes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit ceux qui faisaient une chose pareille. Ok, donc il y a aussi qu'est-ce qui se passe parfois dans certains pays quand ils célèbrent la fête d'un wali ou d'un cheikh qui a une tombe, qui a une mausolée ou un dôme sur sa tombe, ils vont mettre des lumières de couleur sur sa tombe pour montrer que c'est une fête ou des choses de ce genre. Ça aussi c'est des exemples de formes de relou et d'extrémisme et d'exagération à ce sujet-là. Donc ça c'est la fin donc pour le chapitre 21, on a terminé l'explication à ce sujet-là. Maintenant on rentre dans un nouveau chapitre, c'est le chapitre 22 dans le livre Kitab Tawhid, et le titre de ce chapitre c'est « Babun ma ja'a fi himayatil Mustafa sallallahu alayhi wa sallam janab al-Tawhid » في حماية المصطفى جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. C'est ça. Le chapitre qui a rapport au fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-Mustafa, a protégé toutes les limites du tawhid et qu'il a fermé toutes les voies, il a bloqué toutes les voies qui peuvent amener au shirk. Donc ça c'est le titre de ce chapitre qui est le chapitre 22. Et ça, pour expliquer ça, juste avant de commencer à lire l'explication du cheikh, c'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, il a dit « Inna al-halala bayyin wa inna al-harama bayyin wa baynahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas faman ittaqa shubuhat faqad istabra'a li dinihi wa irdih ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتاع فيه. Donc le cheikh il dit, en fait le hadith il dit que le halal il est clair et le haram il est clair aussi, mais entre les deux il y a des choses qui sont ambiguës, hein, qui sont pas facilement discernables. Et c'est pas, il y a pas beaucoup de gens qui connaissent les détails ou les réponses à ces différentes questions-là. Donc le cheikh, il dit, celui qui s'est écarté de ces questions ambiguës-là, il a préservé sa religion et son honneur. Mais celui qui est rentré dans ces questions-là et qui a fait ces choses-là, eh ben, c'est comme s'il est tombé dans le haram. Comme, et après, il a donné l'exemple comme, par exemple, un berger avec son troupeau. Il va pour faire brouter son troupeau et il y a un terrain au milieu entouré d'une clôture ou d'une ligne. Puis, cet endroit-là, on va dire que c'est un terrain qui est empoisonné ou qui est il y a un poison dans ce terrain-là. Donc, il faut pas que ces bêtes mangent de cette herbe, de l'herbe qui est là. Et ça, c'est représenté par, justement, la zone grise, comme on dit, ou qu'est-ce qui est considéré comme étant les choubouhats. Hein, la clôture, c'est la zone grise. Donc, si tu amènes ton troupeau proche, trop près de la clôture ou des lignes, eh ben, tu risques, ou bien tes bêtes risquent de manger de l'herbe qui est au bord de la grille, et donc de tomber dans qu'est-ce qui est mauvais. Alors, il faut s'éloigner des limites, hein, et de la ligne ou de la barrière ou de la clôture. Et donc ça, c'est pour faire le parallèle avec qu'est-ce qui a rapport avec le halal et le haram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné cet exemple-là. Donc, pour comparer ça au sujet dont on parle dans ce chapitre, en ce qui concerne le shirk, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, non seulement il a interdit le shirk et toutes les manifestations du shirk, mais il a également interdit et fermé la porte à toute chose qui peut te faire tomber dans le shirk. Hein. C'est pas seulement juste interdire le shirk, mais tout chemin ou voie ou moyen qui peut faire tomber quelqu'un dans le shirk, il a été bloqué ou interdit par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est ça dont le cheikh parle dans ce chapitre. Le cheikh dit, وفي هذا الباب عقد هذا الباب عقده الشيخ رحمه الله في بيان حماية التوحيد أو pardon في بيان حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد. والأبواب التي قبله أيضا هي في حماية التوحيد، ولكن الأبواب التي قبله عامة، وأما هذا الباب وأما في هذا الباب أمور خاصة، وإلا كل الأبواب السابقة، الغلو في الصالحين وبناء المساجد على القبور والغلو في القبور، كل هذا من الوسائل المفضية إلى الشرك، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها سدا للطريق الموصل إلى الشرك، وهذه الأبواب كلها في موضوع واحد. ولا تعجبوا من كون الشيخ كرر هذه الأبواب واحدا بعد واحد، لأن هذه المسألة عظيمة، فالشرك إنما حصل في هذه الأمة بسبب الفتنة في القبور والغلو فيها، وبسبب الغلو في الصالحين Donc le cheikh, il dit que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, il a écrit ce chapitre, ou mis ce chapitre, dans le but de clarifier, ou de protéger, c'est-à-dire il a mis ce chapitre pour clarifier comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a protégé les limites du tawhid. Et le cheikh, il dit que les chapitres qui ont précédé étaient également au sujet de la protection du tawhid. Parce que les chapitres qu'on a parlé auparavant yani étaient au sujet de la protection du tawhid, mais c'était des chapitres qui étaient généraux. Ça parlait de la protection du tawhid d'une façon plus générale, tandis que ce chapitre maintenant, en particulier, il a un rapport avec les choses qui sont plus spécifiques. Il dit, sinon, tous les chapitres précédents, comme l'exagération au sujet des hommes pieux, de construire des tombes sur les, de construire des lieux de prière ou des mosquées sur les tombes, ou d'exagérer au sujet des tombes, toutes ces choses-là sont des moyens ou des choses qui amènent les gens à tomber dans le shirk. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit ces choses-là. Et la raison pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a interdits, c'est pour fermer la porte à tout ce qui peut amener les gens dans le shirk. Et donc, tous ces chapitres-là sont sur un seul et même sujet. Et le cheikh, il dit, ne soyez pas étonnés de voir que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, dans tous ces chapitres-là, il parle toujours de ces sujets-là, hein, et il répète ces sujets-là, chapitre après chapitre, parce que cette question-là, elle est très grave. Hein, et le cheikh il dit que le shirk est apparu dans cette umma uniquement à cause de la fitna des tombes et de l'exagération au sujet des tombes, et à cause aussi de l'exagération au sujet des hommes pieux et de l'exagération au sujet de la personnalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh dit que le shirk إنما حصل في هذه الأمة بسبب هذه الأمور منذ أن بنيت المساجد على القبور ومنذ أن ظهر التصوف في هذه الأمة والشرك يكثر ويتعاظم في هذه الأمة إلا من رحم الله عز وجل فالأمر خطير جدا ولذلك كرر الشيخ رحمه الله في هذا الموضوع وأبدى وأعاد لأنه هو المرض الذي أصاب الأمة من أجل أن ينبه العلماء وينبه المسلمين على هذا الخطر الشديد ليقوموا بعلاجه والدعوة إلى التوحيد ونفي الشرك من هذه الأمة وإلا إن سكت العلماء عن هذا الأمر فإنه يتعاظم وبالتالي في النهاية يكثر الجهل وتعتبر هذه الأمور من الدين ويعتبر من نهى عنها من الخارجين عن الدين كما حصل الآن أن من ينكر هذه الأمور وينبه الناس على إلى خطرها ويدعو إلى التوحيد يرمونه بأنه متشدد وأنه خارج عن الأمة وأن الأمة عندهم هم عباد القبور ومن أنكر عبادة القبور صار خارجا عن الأمة وهذا من قلب الحقائق والعياذ بالله فالدين الذي جاءت به الرسل هو إخلاص العبادة لله عز وجل هذا هو الدين الشيخ الفيه donc le shirk est apparu dans cette umma à cause de toutes ces choses-là qu'on a mentionnées. Depuis que les mosquées ont été construites sur les tombes et les mausolées ont été construites sur les tombes, hein, et depuis qu'il y a eu l'apparition du tasawwuf, hein, du soufisme dans cette umma, parce que comme on le sait tous, comme il ne faut pas se le cacher non plus, la plupart de ces bid'ah, hein, ou sinon tous, cette forme de shirk, sont apparus dans la umma à travers les Shia Rafida et à travers les autres Shia et comme les Ismaïliya et d'autres, et aussi à travers les Soufiya, à travers les gens de Bid'a parmi les Soufiya. Donc la plupart du temps, quand vous allez dans les pays musulmans, vous trouvez des gens qui adorent les tombes, qui vénèrent les tombes et qui vont prier dans les tombes ou qui vont sacrifier des animaux pour les tombes et faire le tawaf et toutes ces choses-là, ce sont des gens qui suivent des manifestations et des formes de shirk qui sont influencés par ce qu'on appelle at-tasawwuf, le soufisme. Et ça, ça n'a rien à voir avec l'islam. Donc, c'est eux qui ont propagé ces choses-là parmi les musulmans jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Et les chiites, on voit qu'ils vont adorer les tombes et les morts de leurs imams, comme on a dit tout à l'heure. Et la même chose chez les soufis, ils vont faire la même chose quand ils vont à la tombe d'un de leurs chefs ou de leur wali ou leur sayyid ou des choses de ce genre. Et il y en a parmi les... Donc la plupart des gens des gamins, quand ils sont rentrés dans l'islam, des fois il y en a qui sont entrés dans l'islam à certaines périodes de l'histoire, en gardant des croyances qu'ils avaient pré-islamiques, des croyances de shirk qu'ils avaient avant l'islam. Et ils ont trouvé dans le soufisme le moyen justement de préserver leurs croyances païennes, leurs croyances de shirk qu'ils avaient avant l'islam, à travers l'adoration des saints et des morts, pour préserver leurs fausses croyances. Donc on trouve ça surtout aussi parfois chez les chrétiens en Afrique ou même en Haïti, des fois comme j'avais mentionné, les vaudouisants, ils adorent les saints catholiques, mais en réalité, ils camouflent leur vaudouisme derrière ces saints-là. C'est-à-dire que quand ils sont devenus chrétiens juste pour, en réalité, parce qu'ils n'avaient pas le choix, ou bien parce que ils voulaient pas abandonner le shirk et l'idolâtrie. Donc, ils ont continué à adorer. Bien sûr, c'était des chrétiens qui les appelaient à leur religion, donc c'était pas des musulmans, mais c'est juste pour dire que ils continuaient à adorer les lois, et les esprits, et les djinns, et puis ils donnaient à ces djinns-là des noms de saints catholiques. Et donc, vous voyez maintenant parmi certains musulmans, certains peuples qui adorent des tombes et des saints, et ils leur donnent des noms comme ça. En réalité, peut-être même ils adorent derrière ça des idoles qu'ils adoraient avant l'islam, dans la période pré-islamique, et ils font ça au nom du soufisme et de l'islam. Donc ça, il y a eu des manifestations comme ça à travers l'histoire, il y a eu des manifestations de ça. Donc, subhanallah, imaginez ça. Il y a aussi des manifestations comme ça chez des gens parmi les gens de Bid'a et les munafiqins. C'est pour ça que souvent les gens de Bid'a sont associés aux munafiqins. Pourquoi? Parce qu'ils combattent l'islam par l'intérieur au nom de l'islam. Et ça, c'est incroyable. C'est comme les khawarij, la même chose. Ils viennent dans l'islam et puis ils combattent les musulmans au nom de l'islam. Et donc ça c'est l'attitude des munafiqins, d'inventer des choses dans la religion qui causent la division et par la suite combattent les musulmans par rapport à ces innovations et ces bid'ahs. Et donc ça, c'est la base de l'égarement. Donc le chef, il dit, depuis que le soufisme est apparu dans la Ummah, on a vu l'apparition de toutes ces formes de shirk et de bid'ah, et donc maintenant c'est répandu dans le monde musulman. Le shirk est partout et il s'aggrave de plus en plus, excepté pour celui que Allah, pour qui Allah a fait miséricorde, mais la question et le sujet est très grave, très très grave. Et c'est pour ça donc que Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab s'est concentré sur ce sujet-là, et il l'a répété et ramené tout le temps. Et c'est parce que c'est la maladie qui a atteint la Ummah, et donc le but, c'est de guérir la Ummah de cette grave maladie-là, en avertissant les ulama, en avertissant les musulmans, et en les guérissant, en les appelant au tawhid, et en niant le shirk et en rejetant le shirk de cette Ummah. Parce que le shirk dit que si les ulama se taisent et cesse d'appeler à cette chose, cesse d'appeler au tawhid, et cesse de rejeter le shirk et de dénoncer l'adoration des tombes et l'exagération au sujet des tombes, alors ça, s'il se taise à ce sujet-là, ça devient grave. Hein, parce qu'à la fin, qu'est-ce qui arrive, c'est que l'ignorance devient de plus en plus grande, et les gens commencent à considérer que toutes ces formes de shirk et de bid'a sont des choses qui font partie de l'islam, et que ceux qui veulent interdire ces choses-là, ce sont eux qui sortent de l'islam et qui contredisent la religion. Comme c'est arrivé aujourd'hui dans certaines régions, que si tu critiques ou tu dénonces ces pratiques-là, eh bien les gens, ils considèrent que tu es en train de sortir de l'islam, et donc, ils n'acceptent pas que des gens dénoncent ces formes de bid'a et ces formes de shirk. Lorsque tu dis aux gens et que tu informes les gens du danger du shirk et que tu les appelles au tawhid, ils te disent « Ah, lui c'est un extrémiste, hein, ou bien lui c'est un wahhabi, hein, maintenant ils ont utilisé ces choses-là, ces termes-là ». Donc on voit ça maintenant, hein. Donc ils ont renversé les réalités. Pour eux la Ummah, c'est quoi la Ummah, hein, ils disent « Ah, vous êtes des khawarij, ou bien vous êtes des wahhabiyya, vous êtes des extrémistes, pourquoi ?» Parce qu'ils disent « Ah, ça y est, vous êtes sortis contre les musulmans, contre la Ummah ». Parce que la Ummah pour eux, c'est les adorateurs des tombes. Donc si tu sors contre eux et si tu parles contre eux, ça veut dire que tu parles contre la Ummah. Parce que pour eux, la Ummah, c'est ceux qui font le shirk. Et celui qui dénonce le shirk et l'adoration des tombes, il sort contre la Ummah. C'est comme ça qu'ils disent. Il y en a parmi les gens de Bédara, c'est ça ce qu'ils utilisent, cette ruse-là pour tromper les gens. Ils disent « Ah, mais la majorité des musulmans sur la terre, ils adorent les tombes. Donc vous êtes en train de dire que la Ummah est en dehors de l'islam et que vous sortez contre la Ummah. » Non. Vous voyez comment ils font? Donc, subhanallah, c'est ça ce qui arrive. Celui qui dénonce le shirk et qui combat le shirk, ils disent « Vous combattez la Ummah », et celui qui défend l'adoration des tombes, c'est lui qui défend l'islam. Alors ça c'est renverser les réalités. Wal'iyadu billah. C'est la religion, la vraie religion, le vrai islam, c'est l'islam qui a été amené par le messager sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est de purifier notre adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la religion. Malheureusement, qu'est-ce qui se passe souvent, c'est que il y a des gens qui ont été élevés à l'occidental où pour eux la religion ça reste comme une série de règles à suivre, comme par exemple le respect des parents, la politesse, des règles de savoir-vivre et des choses de ce genre. C'est comme une sorte de règle de morale, et ça c'est pas quelque chose qui est spécifique ou particulier à l'islam. Même vous pouvez trouver des koufars qui ont ces enseignements-là ou ces choses-là dans leur comportement, et ça ne veut pas dire qu'ils sont sur la vérité. Parce qu'on a expliqué plusieurs fois que le tawhid c'est la base de l'islam, et que si quelqu'un a toutes les autres pratiques de l'islam mais qu'il n'a pas le tawhid, eh bien il n'est pas considéré comme étant un musulman. Donc ces gens-là qui sont basés sur leur éducation traditionnelle de l'islam et qui ont une tendance occidentale ou une éducation occidentale, eh bien ces gens-là, pour eux l'islam c'est juste, ils sont jamais retournés aux textes et aux bases de la religion pour comprendre la religion de ses fondements, mais ils se sont basés sur qu'est-ce que les gens racontent ou qu'est-ce que les gens disent. « Ah, mes parents ils m'ont appris telle ou telle chose » ou « Ah, pour nous l'islam c'est pas ci, c'est pas ça, l'islam pour nous c'est telle ou telle chose ». Donc c'est pour dire que ces gens-là, leur compréhension de l'islam n'est pas basée sur une connaissance des textes et des fondements, mais plutôt sur une connaissance ou sur une compréhension traditionnelle des principes de la religion. Après le cheikh il dit « Amma ibadatul qubur fahiya dinu abi jahl » وأبي لهب ودين المشركين وليست هي دين الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولكن إذا ظهر الجهل وظهر اتباع الهوى حصل في الأمة ما حصل، وجعل هذه الأمور الشركية من الدين. الشيخ الزي en ce qui concerne donc وجعل من الدين هذه الأمور الشركية وجعل التوحيد هو الخروج عن الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشيخ il dit que en ce qui concerne l'adoration des tombes, ça c'est la religion de Abu Jahl et de Abu Lahab, c'est la religion des mushrikins, c'est pas la religion des messagers d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit ça, mais il dit malheureusement l'ignorance est apparue hein, dans la Ummah, et les gens ont commencé à suivre leur passion hein, et donc on voit qu'est-ce qui est apparu par la suite à cause de ça dans la Ummah, toutes ces formes de shirk hein, les gens pensent que maintenant ça fait partie de la religion et ils pensent que le tawhid c'est de sortir de la religion. ولا حول ولا قوة إلا بالله. Donc le Cheikh il dit par la suite قوله باب ما جاء في حماية المصطفى معناه المصطفى معناه المختار من الصفوة أصله مصطفى مصطفى ثم أبدلت التاء طاء فصار مصطفى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس يعني يختار لأنهم عندنا وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار أي المختارين ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بل هو خيرهم وأفضلهم فهو المصطفى صلى الله عليه وسلم اختاره الله للرسالة والقيام بدعوته على فترة من الرسل وهو خاتم النبيين sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh ici il dit que, en expliquant le titre, il dit que ça c'est un chapitre au sujet de la protection des limites du tawhid par al-Mustafa. Al-Mustafa c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qu'est-ce que ça veut dire al-Mustafa en arabe? Ça veut dire celui qui a été choisi ou celui qui a été élu hein. Et c'est pas comme les élections là, comme les démocraties des koufars. L'élection d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le choix d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce choix-là, il est au-dessus de tous les autres choix. Hein. C'est-à-dire quand Allah subhanahu wa ta'ala a élu quelqu'un comme messager, eh ben même si tous les autres êtres humains ont élu quelqu'un d'autre, ça compte pas. Hein. Qu'est-ce qui compte, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pas une question de majorité. Hein, la parole d'Allah, elle a plus de poids que la parole de toute autre personne. Il n'y a rien qui peut être comparé à sa parole et à sa décision. Donc c'est pour ça que nous, alhamdoulilah, dans l'islam, on se base sur la vérité. Et si la vérité est défendue par une seule personne, et que le mensonge est supporté et défendu par 1 million de personnes, eh bien c'est la personne qui est toute seule avec la vérité qui l'emporte. C'est pas une question de quantité. Donc, al-Mustafa, ça vient de al-Ikhtiyar, ou al-Mukhtar, ça veut dire celui qui a été choisi. Hein, ça vient de al-Safwa. Et al-Safwa, c'est qu'est-ce qu'il y a de meilleur dans une chose. Okay? Et à la base, Mustafa, ça s'écrit avec un ta, Mustafa. Mais le ta a été remplacé par ta, et donc ça devient Mustafa. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 75 dans Surat al-Hajj, Allah il choisit parmi les anges et les hommes hein, des messagers. Donc ça c'est pour montrer la signification de istifa, ou bien Allah yastafi, yakhtar, c'est-à-dire il choisit. Et il mentionne un autre verset aussi dans Surat Fad, innahum indana la min al-mustafin al-akhyar, c'est-à-dire ce sont parmi les gens qui ont été choisis par Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les messagers qui ont été choisis par Allah subhanahu wa ta'ala, il y a le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le meilleur d'entre les prophètes, et qui est celui que Allah a choisi pour transmettre sa dernière révélation, et pour appeler l'humanité à l'islam après les messagers, après les messagers qui ont été envoyés avant lui, et c'est lui qui est venu terminer et clore la prophétie. Hein, et l'enseignement des prophètes. Donc c'est lui le dernier. Après le cheikh il dit وقوله جناب التوحيد الجناب هو الجانب والجناب والجانب بمعنى واحد أي حمايته صلى الله عليه وسلم حدود التوحيد من أن يدخل عليه الشرك بسبب وسائل الشرك والتساهل فيها فالرسول صلى الله عليه وسلم حمى حدود التوحيد حماية بليغة بحيث إنه نهى عن كل سبب أو وسيلة توصل إلى الشرك ولو كانت هذه الوسيلة في أصلها مشروعة كالصلاة فإذا فعلت عند القبور فهو وسيلة إلى الشرك ولو حسنت نية فاعلها فالنية لا تبرر ولا تزكي العمل إذا كان يؤدي إلى محذور والدعاء مشروع ولكن إذا دعي عند القبر فهذا ممنوع بأنه وسيلة إلى الشرك بهذا القبر فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور ونهى عن الدعاء عند القبور ونهى عن البناء على القبور ونهى عن العكوف عند القبور واتخاذ القبور عيدا إلى غير ذلك كل هذا من الوسائل التي تفضي إلى الشرك وهي ليست شركا في نفسها بل قد تكون مشروعة في الأصل ولكنها تؤدي إلى الشرك بالله ولهذا منعها صلى الله عليه وسلم donc le cheikh ici il dit que le prophète sallam il a protégé janab al tawhid c'est-à-dire les limites du tawhid parce que le mot janab c'est la même chose que al janib c'est-à-dire le côté ou bien la limite si on veut comme le cheikh il l'explique que c'est la limite et les barrières ou les limites du tawhid qui ont été protégées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'est-ce qu'on veut dire par là on veut dire que tout ce qui peut amener quelqu'un ou faire tomber quelqu'un dans le shirk tous les moyens ou les voies qui amènent les gens à tomber dans le shirk ont été fermés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit que ce soit par les moyens qui amènent au shirk ou le fait d'avoir des négligences ou de l'insouciance au sujet de ces questions-là, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a protégé les limites du tawhid d'une protection très grande et efficace, et il a empêché tout ce qui amène les gens à tomber dans le shirk. Comme par exemple, si ce moyen-là qui amène les gens au shirk est à la base quelque chose qui est permis et légiféré par l'islam, mais comme il donne comme exemple la salat, il dit si tu veux faire ta salat, c'est quelque chose de bien la salat, c'est quelque chose de bon, mais si tu la fais là où il y a des tombes, eh bien ça devient un moyen pour le shirk ou qui amène au shirk et donc ça devient interdit. Même si l'intention de la personne qui le fait c'est une bonne intention, parce qu'il dit que l'intention en elle-même ça ne suffit pas pour rendre l'action bonne et pour purifier l'action. Il faut que non seulement que l'action soit bonne, mais aussi que il faut qu'elle soit, disons, qu'elle n'amène pas à quelque chose de haram. Si l'action que tu fais amène à quelque chose de haram, et bien même si l'intention elle est bonne, cette chose-là devient haram en elle-même. Et le dua, c'est la même chose. Si tu veux faire des dua, le dua c'est quelque chose de bien. Toutefois, si tu veux faire ton dua là où il y a des tombes, ça devient un moyen. Quelque chose qui peut amener les gens à tomber dans le shirk, et donc ça devient interdit. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de faire des salats là où il y a des tombes, ou de faire des du'as là où il y a les tombes, et il a interdit même de construire aussi sur les tombes, de construire des choses sur les tombes, ou de se tenir près des tombes, et de prendre les tombes comme lieu de fête ou des lieux de visite régulière. Et aussi, il dit que donc toutes ces choses-là, comme on les a expliquées déjà, c'est des moyens ou des choses qui peuvent amener les gens au shirk. Même si elles ne sont pas shirk en elles-mêmes, puisqu'elles peuvent amener les gens à tomber dans le shirk, donc, et même si elles sont, même si ce serait permis, parfois dans certains cas, il y a des choses, si une chose est permise en elle-même, ça ne veut pas dire que elle est permise si elle peut t'amener à quelque chose de haram, dans ce cas-là, elle devient elle-même haram. Et si quelqu'un peut t'amener au shirk, alors dans ce cas-là, ça devient interdit également. Et donc ça c'est le point, c'est qu'est-ce qu'on appelle « sadd al-dhara'i », c'est-à-dire de fermer la porte à tout ce qui peut amener au péché ou au haram. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à propos du zina, wala taqrabu zina. Il dit pas, fais pas le zina. Il dit, ne t'approche pas de ce qui peut te faire tomber dans le zina. Hein, ou bien même l'alcool. Allah subhanahu wa ta'ala, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit même de s'asseoir à la table des gens qui boivent de l'alcool. Donc c'est pas juste de pas boire de l'alcool qui est haram, mais même de t'asseoir à la table, parce que ça peut t'amener à vouloir essayer ou bien à vouloir boire de l'alcool, et donc ça implique que tu tombes dans le haram, et donc ça devient en soi-même haram. Même si à la base de s'asseoir à cet endroit-là, c'est pas haram, hein, donc ça c'est important de comprendre. C'est comme quelqu'un par exemple qui dirait qu'il veut faire quelque chose de bien, comme disons, il dirait, moi je vais enseigner à une femme le Coran. Puis il s'assoit toute seule dans une pièce avec la femme, il dit j'ai une bonne intention. Et puis, qui sait, peut-être le shaitan il vient et puis justement il tombe dans le haram à cause de ça. Donc ça c'est des exemples que c'est pas parce que quelque chose est bon ou qu'on a une bonne intention que ça rend quelque chose de haram, même s'il y a des textes clairs qui montrent que c'est interdit d'être seul avec une femme dans une pièce fermée comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ça c'est khalwa, et que quiconque reste avec une femme seule dans une pièce, le shaitan est le troisième. Mais bon, c'est juste un exemple que je voulais expliquer. Donc on va s'arrêter ici, inshallah. Subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayhi.